Alors, de retour à Futur Simple sur CKRL au 89,1. Après ce bel intermède musical, nous finissons l'émission avec des nouvelles de l'actualité scientifique. Alors, Valérie, tu veux nous parler d'un beluga qui parle? Oui, alors en fait, il faudrait peut-être mettre des guillemets à parler, parce que ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a vocalisé. Il a émis des sons, disons, d'allure humaine. En fait, il s'agit d'une étude réalisée par des chercheurs californiens et qui est récemment parue dans la revue Current Biology. Mais c'était une histoire assez ancienne, puisque ça s'est passé dans les années 80. Donc, c'est des données qui ont été analysées récemment, peut-être avec des techniques plus modernes. Mm-hmm. Et donc, l'étude vient de paraître. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une histoire qui s'est passée en Californie. Le beluga en question, qui s'appelle Nock. Nock a émis des sons étonnamment humains, au point que la personne qui s'occupait du beluga, qui gardait les bassins, qui veillait au maintien et tout ça, a cru que quelqu'un l'avait appelé. Ah. Oui. Et en fait, il s'est retourné, il n'y avait personne qui répondait. Exactement. C'est ça. Donc, et puis c'était effectivement assez troublant. On peut avoir un aperçu des vocalises de Nock, soit sur le site de la revue Nature, ou aussi, on le trouvait aussi sur le site de Radio-Canada ou Le Monde. En tout cas, il y a plusieurs. Ça a fait un petit peu le tour. Il y a quand même plusieurs médias qui ont qui donnaient accès aux vocalises de Nock. J'en ferai pas une. J'hésite un petit peu à faire une imitation. Il ne disait rien. Il babillait un petit peu, sur le ton un petit peu, pour donner une idée des personnages de bande dessinée. Donc c'était une voix un peu étrange, truc comme ça. C'est bien. Ouais. Mais donc ça, il y avait rien, il y avait pas de mots, il y avait rien. C'était un petit peu informe, mais on sentait quand même quelque c'était chose. C'était des sons là. C'était des sons. C'était pas un son animal. En tout cas, c'est un son animal, mais ça ressemblait pas à un son animal. Alors. Il y avait quand même des phénomènes de ce genre-là qui étaient arrivés. Par exemple, on rapporte que à l'aquarium de Vancouver, il y a un beluga qui avait prononcé carrément le nom du gardien. Oh. Donc, c'était pas un phénomène isolé. Il y avait déjà eu vent de quelques événements de ce genre-là. Ça, c'est beaucoup plus parce que prononcer le nom. Oui, c'est ça. Donc là, il y a toute l'articulation avec les moyens du beluga. Oui. Il a fallu aussi que le beluga l'entende. Ouais, c'est ça. Et ça, je le reproduis. Ouais. Mais est-ce que les chercheurs ont trouvé par quel mécanisme Nock produisait ces sons? Alors, c'est effectivement la question, parce que les belugas et les baleines ne sont pas équipés de cordes vocales comme nous. Mm-hmm. Donc, pour en savoir plus, les chercheurs ont voulu caractériser les ondes sonores émises par Nock. Sauf que pour ça, fallait l'enregistrer. Et pour ça, fallait apprendre à Nock à parler sur demande. Là, il avait fait ça spontanément. Mais après, si on regarde Nock et qu'on lui dit « vas-y, parle-nous », c'est pas sûr qu'il comprenne et qu'il parle. Qu'il va comprendre. C'est ça, c'est pas sûr qu'il émette ses gazouillis. Donc, Nock a émis ses gazouillis, le magnéto n'était pas là pour enregistrer. Ouais, en plus. Donc, en préalable, il a fallu apprendre à Nock à parler sur demande. Ensuite, une fois que ça a été fait, en étudiant les caractéristiques sonores des sons, ils ont déterminé que les fréquences émises par Nock étaient plusieurs octaves en dessous des appels que les belugas se lancent habituellement. Bon, on sait que les belugas, on les surnomme les canaries des mers, on sait qu'ils sont capables de faire toutes sortes de babillages marins. Mais sauf que là, normalement, ce n'est pas des fréquences que nous, on entend vraiment. En tout cas, ça veut rien dire pour nous. Sauf que là, les sons que Nock émettait tombaient dans les fréquences humaines. Mais est-ce qu'on connaît son répertoire? Est-ce qu'il était ténor, baryton, ou c'est plus dans les aigus? C'est plus dans les aigus. Dans les altos, probablement, ou peut-être même soprano? Non, peut-être. J'hésite à me prononcer parce que je ne suis pas très douée pour dire. D'accord. Mais c'était plus dans les aigus. Ce n'était pas un son grave. Ce n'était pas la voix de Raymond Archambault à Radio-Canada. C'était passablement plus aigu. C'était même plus aigu, je pense, que ma voix à moi. Ah bon, OK. Mais ce n'était pas non plus suraigu. OK. Ce n'était pas aussi aigu qu'une voix de jeune enfant, par exemple. OK. Ça ressemblait peut-être à un sifflement de... Le flipper, c'est un dauphin. Oui, là, je ne me souviens pas non plus. Okay. Mais tu vas me forcer à essayer de faire une imitation. Quand je l'ai écouté, ça ressemblait un petit peu à ça, mais chacun pourra aller lui-même voir sur le site de Nature ou de Radio-Canada, ou en tout cas, où retrouver l'enregistrement, ils pourront se faire une meilleure idée que ce que je viens de faire. Mm-hmm. Donc, en tout cas, les chercheurs ont analysé les caractéristiques des sons émis par Nock. Ils ont déterminé que Nock pour arriver à ces sons-là, augmentait la présence de l'air qui parcourt ces cavités nasales. Il pense aussi qu'il modifiait les sons en changeant la forme des lèvres phoniques. Alors, les lèvres phoniques, ce sont des structures qui vibrent au-dessus de la cavité nasale. Donc, ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que Nock est de lui-même cherché à imiter la voix humaine. Ça venait de son propre chef, si on peut dire, et pas d'un apprentissage ou d'une commande. Donc, ça implique quand même un processus mental assez intéressant de la part du béluga. Cognitif, oui. C'est ça, exactement. Et alors là, je suis perdue. Mais de toute façon, je pense qu'on change de domaine aussi. N'est-ce pas? Ce qui se disait, c'est que Nock avait entrepris de lui-même une sorte d'apprentissage volontaire. OK. Alors, on reste dans le domaine de l'apprentissage, cette fois-ci, mais celui des humains. Alors, selon une étude allemande, une surdose d'ordinateurs conduirait à des difficultés d'apprentissage. Oui, alors là, il s'agit des travaux d'un psychiatre allemand qui s'appelle Manfred Spitzer. Il a publié récemment un livre qui s'intitule « Démence numérique, comment pouvons-nous apporter un nouvel apprentissage à nos enfants ?» Et donc, démence numérique, c'est déjà quelque chose qui en dit long. Ça résume assez bien le problème, en fait. C'est que l'exposition au numérique causerait des troubles cognitifs, comme la mémoire. Mais qu'est-ce qu'on entend par numérique? Parce que de la musique peut être numérique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, c'est plus tout ce qui est Internet, tablette électronique. D'accord. Effectivement, tu fais bien de le dire. Donc, c'est ça. C'est l'exposition aller sur Internet régulièrement, consulter toujours son téléphone mobile. D'accord. Donc, l'exposition au numérique causerait des troubles cognitifs comme la mémoire, la concentration, et donc nuirait à l'apprentissage. Alors, pour dire ça, il s'appuie sur des études PISA. Et dans ces études, des données de 300 000 élèves de 15 ans ont été analysées et il ressort que les jeunes qui ont le plus accès à un ordinateur personnel à l'école sont aussi ceux qui ont en moyenne les moins bonnes notes. Ah bon, ok. Donc c'est pas forcément d'avoir accès à la maison ou je sais pas dans l'autobus ou autre, mais c'est vraiment en situation d'apprentissage à l'école, en situation d'apprentissage. Ok. Et on voit aussi que l'échantillon est très gros, là, oui. 300 000 élèves. Oui, c'est ça. Alors c'est dans les études PISA, c'est international, donc c'est peut-être je sais pas exactement, je connais pas les détails, mais c'est peut-être pas 300 000 élèves américains ou européens. Oui, c'est probablement à l'international. C'est ça, exactement. Donc et il se base aussi sur une étude menée par 62 professeurs d'université allemande qui montre que les jeunes qui ont grandi avec l'avènement d'Internet ont de moins bonnes capacités de concentration, ils arrivent moins à saisir un texte et à le résumer, et aussi à soutenir une argumentation logique, donc un ensemble de capacités cognitives finalement. Est-ce qu'elle explique le lien entre l'ordinateur et la concentration? Ben, en fait, les chercheurs en neurosciences font l'hypothèse qu'il y aurait une sorte de surdose numérique. Donc, il y a sur Internet une abondance d'informations qui arrivent et qu'on peut aller chercher en un clic, puis souvent une information on en appelle une autre. Hein. Je suis sûre qu'on a tous un petit peu vécu ça. On se promène sur Internet, puis hop, dans une phrase, il y a un petit mot bleu, on clique dessus, puis, ou alors il y a un truc qui arrive sur la colonne verticale à côté, on va chercher quelque chose. Et sans vraiment lire. C'est ça. Du coup, on interrompt notre processus de lecture de l'article. Sans cesse. C'est ça, sans cesse. Donc, on fait plus tellement cet effort de lire intégralement un article pour en saisir le contenu et puis être capable de le résumer à quelqu'un cinq minutes après. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont capables de se voir dans cette situation. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça me ressemblait un petit peu. Donc, on a cette tendance à zapper d'une source d'information à une autre, comme sur un poste de télé. Et ce faisant, on ne lit pas l'information, ou du moins, on la lit en diagonale, sans en extraire la substance. C'est ça. Et donc, on perd la capacité de lire un texte et de le résumer. Et dans le cas des jeux, effectivement, on perd peut-être cette capacité qu'on a appris étant plus jeune, nous qui n'avons pas baigné dans le milieu Internet, dans notre apprentissage. Mais dans le cas des jeunes qui sont en apprentissage, ils développeraient donc moins cette capacité de synthèse d'un texte. Donc, peut-être qu'ils acquièrent d'autres capacités, par contre. Hein, ça, l'étude le dit, on n'en parle pas forcément. Peut-être que ces gens-là... De motricité fine, peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Mais ils acquièreraient moins cette capacité d'extraire l'essence, la substance d'un texte et d'être capable de le transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc, selon Manfred Spitzer, un individu qui fait souvent du zapping informationnel, c'est comme ça qu'il l'appelle, du zapping informationnel, s'entraînerait lui-même à un trouble de l'attention, finalement. Uh-huh. Donc, c'est lui-même, de son propre processus, qu'il s'entraîne lui-même à développer un trouble de l'attention. Le déficit d'attention. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on se doute que ce psychiatre n'est pas vraiment en faveur d'une trop grande place de l'ordinateur dans les écoles. Puis, dans le monde professionnel, il critique aussi le travail rapide et le multitâche. Il faut toujours qu'on fasse tout en même temps et puis le plus vite possible. Alors, peut-être que finalement... À force de vouloir être productif et de faire plusieurs choses en même temps, on perd nos capacités cognitives et on devient moins productif. Ça ressemble énormément à ce que je vis au travail et mon équipe et beaucoup de gens que je connais, effectivement. Alors, il va falloir prendre le temps d'y penser. Oui, c'est un fait. Alors, merci beaucoup, Valérie. Je pense qu'on a le temps de faire une petite pause musicale avant le mot de la fin ou on... Non, je pense qu'on va partir avec le mot de la fin. Oui, c'est ça, remerciement. D'accord.